Mais faire reculer tant que j'en ai la capacité. J'aime beaucoup trop les miens, un point qu'on t'a pas idée. Manie les flots, je le balance, je vais boire avec ma belle. La verra, les sénines, ta personne veut t'écouter. Champagne, je savais pas quand, tout ça allait payer. J'avais trop envie d'entrer dans un Guinness. Champagne, je savais pas quand, tout ça allait payer. Mais je voulais tellement leur prouver qu'ils avaient tout le temps. Ma fille est donc grave fort. Elle veut qu'on rentre et que je la soulève, la cacorindo. Et faire jurer mon âge est devenu primordial. Joue les choses qu'ils ne montrent jamais à la télé. Toi t'es mal à l'aise et nous va en arrive en bas. Manigue, toi tu n'as plus de gens à manigue. Les chauffeurs en jacques comme cross Tony. Manigue, every morning dans le bloc homie. Manigue, toi tu n'as plus de gens à. C'est le démon et le chien, mais en même temps, rapper pour moi c'est easy comme un concert ou un album. Qu'est-ce la démonstration de puissance à son dans sa littération, métaphore sous le savoir touché et j'ai trop de notions. Il aime bouger, pour les savoir que c'est pas juste, mais c'est un bullshit. And if you ever leave you shorty like a brown hit, she gon' be mad on la retournera, I ain't kidding anymore, no, no. Feeling like I thought these days, tu veux copier la cadence, espère. My niggas never gon' be afraid, en plus c'est depuis long time, long time. Feeling like I thought these days, tu veux copier la cadence, espère. My niggas never gon' be afraid, en plus c'est depuis long time, long time. Quand tu n'as plus de gens, ah, on jette comme gros Tony. Every morning dans le bloc pour me. Toi tu n'as plus de gens, ah. Toi tu n'as plus de gens, ah. Les chauffeurs en jacques comme Boston. Dans le bloc pour me. Toi tu n'as plus de gens, ah. 3-4 fois la bouche en fait que ça te mérite. 3-4 fois j'ai voulu perdre toutes les prises. C'est le rime et les flots, toi t'as que dalle. Les chauffeurs en jacques comme Boston. 3-4 fois la bouche en fait que ça te mérite. 3-4 fois j'ai voulu perdre toutes les prises. C'est le rime et les flots, toi t'as que dalle. No collabs, I blast it myself. Drive all night, money in my whole van. You know we ain't no dealers. But they gon' pull a gene, go teeth in the dealers. And you will never be a dog fighting for this pussy. How about you stop saying rough, stop holding Uzi. You know we did too, don't you ever reply. And now these motherfuckers wanna see us behind. And DSM black pro, you're feeling my nigga, that chopper gon' hit you, no drama. Walking down the street, these people take flexing. Hitting that juicy, no need to text it. Say she is too late with the broke ass nigga, my nigga. Show them what the whole thing. I ain't playing, my nigga. Drop a bullet on your hoes and add, my nigga. Way too many songs, I ain't even writing. Once I get that melody, and I never dance. I be walking hard, now I'm on my way. Try to show me where to go, can't you see we not? I got platinum, where's the money at? Once I get that melody, and I never dance. I be walking hard, now I'm on my way. Try to show me where to go, can't you see we not? I got platinum, where's the money at? 3-4 fois la bouche au fil, c'est ça tes minutes. 3-4 fois j'ai voulu perdre toutes ces bitches. C'est les rimes et les flots, toi t'as que dalle. Laisse-le faire en chacun croise tout.